Le 18 juin, le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a donné sa réponse à l'agence télégraphique centrale de Corée au sujet de la dépossession du courrier diplomatique à New York. Il a dit « Le courrier diplomatique de notre délégation en retour après la conférence des pays signataires de la Convention sur les droits des handicapés tenue à New York a été enlevé le 16 dernier à l'aéroport Kennedy à New York par la mesure provocatrice des États-Unis. » Une vingtaine de personnes, y compris les policiers et les hommes relevant du département américain de la sécurité intérieure, se sont rués avec violence comme des bandits sur nos diplomates pour enlever le courrier diplomatique. Face à la résistance résolue, ils ont usé de la force et se sont enfuis avec le courrier. Ces bandits attendaient devant le passage menant à l'avion dans lequel devait monter notre délégation, ce qui montre que la provocation était préméditée sans aucun doute. Nous accusons la spoliation d'atteinte à notre souveraineté, de provocation impardonnable contre notre République et condamnons catégoriquement au nom du gouvernement de la République. La provocation montre à quel niveau est l'hostilité américaine à l'égard de la République populaire démocratique de Corée. Les États-Unis doivent réfléchir sur les conséquences de leur excès fanatique. Cette affaire à New York où siège l'ONU et se tiennent l'Assemblée générale de l'ONU et autres réunions internationales est un bon exemple qui montre que les États-Unis sont un État voyou. La société internationale doit considérer sérieusement si New York où le courrier diplomatique est spolié est digne d'abriter les conférences internationales. Les États-Unis sont tenus d'expliquer à notre côté l'atteinte à notre souveraineté et présenter des excuses officielles du gouvernement. Si les États-Unis ne répondent pas à notre demande juste, ils endosseront toute la responsabilité des conséquences.